Caramel. À l'heure où l'inénarrable Gérald Darmanin nous méga-bassine avec sa menace que ferait peser sur l'hexagone des terroristes culturels d'extrême-gauche, nouvelle peuplade politique qui se rajoute aux éco-terroristes, islamo-gauchistes et autres wokistes, à fuir évidemment comme la peste, voilà ce que rapporte le site d'information en ligne Mediacité dans la semaine, dans un article intitulé « FR Déter, le groupe d'extrême-droite était actif en Haute-Garonne. FR Déter pour Français Déterminés. Loin d'être, je cite, un regroupement de personnes de droite pour s'organiser des activités comme des restaurants, affirmation faite à FR3 Occitanie par Pauline Laurence, une membre de ce groupe de discussion, mais aussi ex-candidate reconquête en Haute-Garonne aux dernières législatives. On pouvait y lire moult propos racistes, antisémites, anti-LGBT, agrémentés de symboles néo-nazis. Mais aussi des ébauches de projets d'attaque contre des musulmans. 120 personnes habitant en Haute-Garonne faisaient partie de ce groupe de discussion sur la plateforme Telegram, groupe de discussion fort de 7000 membres au niveau national. Certains affichent des fleurs de lys très royalistes dans leur profil. Quelques militaires sont également là, des CRS, des personnes d'extrême droite ou de l'ultra-droite à mal de baston. L'un d'eux écrit ainsi « J'aime la bagarre, taper de l'arabe, avec mes frères blancs. » Un autre se définit comme un patriote confirmé, 22 ans de lutte contre les gauchistes, champion de France de boxe anglaise 2015 et prêt à mettre pas mal de pièges à rats pour sauver notre France. Un troisième propose, je cite toujours, « Pour le week-end prochain, un petit tour chez Tonton, après cassage de bouche pour les bougnoules, pour des cuvées, et puis enfin, on ira au lit. » Un quatrième affirme, je cite encore, « ne pas vouloir faire partie de ceux qui baissent la culotte face aux enfoirés qui veulent changer notre magnifique France, marre de croiser des gauchos écolos à tous les coins de rue. » Un cinquième plus clair justifie sa présence sur ce groupe de discussion d'un simple « parce que je suis raciste ». Ces propos révélés le 2 avril sur le compte Twitter Tajmat ont entraîné la fermeture de ce groupe de discussion deux jours plus tard, le ministère de l'Intérieur demandant à ses services de travailler aux suites judiciaires à donner. Il y a 10 jours, le journal Libération alertait déjà contre ces groupes radicaux d'ultra-droite qui s'organisent sur Telegram pour préparer des actions violentes contre des communautés, des élus ou des journalistes nommément ciblés. Menace prise très au sérieux par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ou par les renseignements territoriaux, ce que on appelait quand j'étais jeune les RG, qui rappellent que sur les 10 derniers projets d'attentats déjoués en France, 7 était lié à l'ultra-droite, 2 au complotisme et 1 à l'ultra-gauche. Et pourtant, Darmanin continue à avoir des terroristes gauchistes partout. Une lumière, notre ministre de l'Intérieur. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisée par Valentin Jiquel. Ce soir, Éric Larenne, le chanteur, est parmi nous alors qu'il s'apprête à chanter un répertoire de chansons de Léonard Cohen le 4 mai prochain à la CAF Poésie avec la complicité de Nicolas Jules et de Pascal Maupeux. Également avec nous, Laurent Rochelle, saxophoniste, patron du label Linoleum Records, label dont nous suivons assidûment les aventures également leader de quelques formations essentielles de la scène musicale d'ici. Hier à 12h30, il était avec Prima Canta à la salle du Sénéchal dans le cadre des pauses musicales. Et ce soir, il vient nous parler d'un autre de ses groupes, Okidoki, qui vient de sortir Au-delà des brumes, son nouvel album. Et puis, quand il le pourra, notre bon professeur Thibault viendra nous délivrer une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et pour tout dire essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Aujourd'hui, deuxième single du EP de Boucan, sorti fin mars. En attendant l'enregistrement, puis la sortie de ce duo, un enregistrement qui devrait se passer à l'automne. Ce duo composé d'Ember Ember à la contrebasse et de Bruno Zarn aux guitares bidon et banjo. Dont je parlais d'un enregistrement d'un nouvel album pour l'automne 2023. Et bien, en attendant cette sortie... qui est prévu pour le premier semestre 2024. Ils sortent régulièrement des petits singles, histoire de rappeler qu'ils sont toujours sur la brèche, après celui que l'on a écouté il y a une quinzaine de jours et qui s'appelait Blabla 1. Voici le deuxième, Blabla 2, toujours d'actualité par ces temps de contestation sociale. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangoo ou pardon ? Avant de passer à notre premier invité du soir, Éric Larenne, assis à la droite de mon fauteuil autour de cette table campusienne, une petite info, parce qu'elle vient de tomber, le Conseil constitutionnel vient de valider en grande partie le projet de réforme sur la retraite. L'âge de départ à la retraite reculera donc à 64 ans. Il y a 6 petites dispositions qui ont été censurées, dont l'index senior, mais par contre, le Conseil constitutionnel a rejeté également la demande de référendum d'initiative partagée. Et ça, ça risque de faire nettement plus de bruit que l'acceptation de la réforme de la retraite. On va sans doute en parler grandement pendant le week-end qui vient, qui risque d'être, comment dire, un peu chaud bouillant. Éric Larenne, bonsoir. Bonsoir. On va parler de l'actualité, mais pas que. D'abord, au boucan là, que vous vous êtes enfilé derrière les oreilles. Moi, ça me convient parfaitement. Ouais. Voilà, il m'en faut une dose quotidienne, à peu près, je pense, de ça. Ça me va, ouais. Bon, ouais. La dose. En plus de ça, pour ce qui est des paroles, ça ne crée aucune polémique, enfin, voilà. Je crois pas. Voilà. Donc, comme ça, on est un peu tranquille, quoi. On est un peu tranquille. Blablabla. Bon, Éric Larenne, vous n'êtes pas un habitué du blablabla. Je me disais que on vous avait jamais vu aussi prolixe. Pas qu'on vous voit régulièrement sur scène, ça faut quand même pas exagérer. Si on vous voit 4-5 fois à Toulouse dans l'année, c'est un grand maximum, mais à chaque fois vous venez avec des répertoires différents. On vous a vu à mai-juin à Saint-Pierre-des-Cuisines, où là vous jouiez le répertoire des vieux albums. On vous a vu à Cahors il y a pas très longtemps dans le cadre du Chaînon Manquant jouer le répertoire de Chamonix. Cet automne, je me souviens plus quel est le répertoire que vous aviez adapté façon blues et country à la CAF Poésie. Je me souviens plus le nom de la qui était au centre de ce répertoire-là. Ah, mais c'était une lecture intitulée « Mais que se passe-t-il donc à Charleville-Mézières ?» Voilà, c'est ça. Et il s'y passait quoi, au fait? Et là, on vous retrouve dans 15 jours à la CAF Po avec un répertoire que vous êtes allé tirer chez un auteur qui vous passionne depuis des années, Leonard Cohen. Et Leonard Cohen, si je me souviens bien, il y avait une reprise de lui déjà dans un album qui date de la fin des années 90, oui. L'album s'appelait J'exagère. C'était dans J'exagère, ouais. Et c'était intitulé La chanson chanson. Ouais. C'était une adaptation de Tower of Song. Ouais. Et c'est historique parce que j'ai demandé l'autorisation. Et j'ai envoyé donc un courrier à Leonard Cohen. Et il m'a été répondu que j'avais le droit de traduire Leonard Cohen, à condition de lui laisser tous les droits financiers, par contre. Mais ça, c'est avec plaisir. Mais c'est la première fois qu'en demandant une autorisation, on me l'autorise. Et ça, c'est un vrai bonheur. Depuis, je me rends compte qu'en travaillant là maintenant sur ce spectacle-là, que c'est un excellent médicament. Mmh. Le fait de traduire du Leonard Cohen, déjà tu vas mieux, quoi. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, en le chantant aux gens, ça va leur faire du bien. Ouais. Ça sera peut-être remboursé le prix du concert par la sécurité sociale. Un travail de traduction que vous faites sur tous les morceaux que vous allez jouer à la CAFPO ? Pas sur tous les morceaux, sur des morceaux qui n'ont pas été traduits en français déjà, ou alors des morceaux où on essaye de reprendre une nouvelle traduction, quoi, voilà. Mais par exemple, si on veut chanter une traduction de Graham Allwright, on le chantera in extenso, quoi, oui. Sans y toucher. Puisque Graham Allwright, chanteur de protest song et de folk qui a sévi en France dans les années 70, ouais. 60 et 70, a traduit pas mal de chansons de Leonard Cohen à l'époque. Il l'a très bien fait. Notamment Suzanne. Par exemple, ouais. Ouais, mais il y a une autre chanson, c'est Avalanche, qui a été très bien traduit par Jean-Louis Murat, par exemple, aussi. Donc voilà, on va reprendre sans doute les bonnes traductions, celles qui nous plaisent. Et puis pour les morceaux qui n'ont jamais été traduits, et puis pour d'autres qui ont peut-être pris un peu des années, quoi. On va se permettre de tout retraduire. Voilà. Et puis c'est vrai que là, à part s'il y a un droit, il ne peut plus dire grand-chose, étant donné qu'il est parti ailleurs. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est exactement pour cette excellente raison qu'on a eu cette idée-là de monter un répertoire Leonard Cohen. C'est tout simplement parce qu'il nous manque. Quoi. Mais je ne le dis pas, je ne suis pas à la télé, là. Il me manque tous les jours. Quoi. Voilà. Et le fait de pouvoir continuer à le fréquenter dans ce qu'il a écrit et de continuer à chercher là, dans ce tas immense d'écrits qu'il a produit, ça maintient en bonne santé. Parce que Cohen, avec ses hauts et ses bas, c'est quand même une quarantaine d'années sur la scène musicale, entamée au milieu des années 60 et terminée jusqu'à 2-3 ans avant sa mort. Il faisait encore des tournées et où sa voix complètement grave et qui devenait de plus en plus grave au fur et à mesure qu'il vieillissait, faisait merveille. Il suffit de regarder les tonalités du début de sa carrière jusqu'à la fin, ça a bien dû baisser de 2 tons et demi, je pense. Mais c'est vachement bien d'écouter ça, justement, cette évolution-là. Comment vous l'avez découvert, Leonard Cohen? Éric Larenne. Oh oui, alors là, c'est un très doux souvenir, mon cher. À l'époque, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Je m'installais en communauté à la Guépitarne-et-Garonne. Et comme petit boulot, on avait été invité à aider un monsieur charmant à fabriquer des abat-jours. Pourquoi pas. Voilà, artisanaux donc. Et on y passait la journée, on était vraiment pépères. Mais en fait, c'est parce que ce type-là avait besoin de compagnie. Et apparemment, plutôt de jeunes gens, en fait. Mais on passait des moments très, très agréables. Et il avait une bonne discothèque. Ah ouais. Et là, j'ai découvert Leonard Cohen, que je ne connaissais pas à cette époque-là. C'est vrai que pour travailler, avoir ça à musique d'accompagnement, c'est plutôt pas mal. Ah bah, tu te concentres et tu entends des choses agréables. Voilà, et du coup, parfait. Vous avez complètement abandonné les abat-jours. J'ai abandonné les abat-jours très, très vite. Pour vous consacrer sur la musique. Mais je pense que... c'est notre hôte ayant choisi un camarade, après il a fallu passer à autre chose. Non, une très très jolie période, quoi, comme on connaît la jeunesse. Formidable. Le répertoire, il est monté comment? Je suppose que c'est pas forcément des standards de Leonard Cohen que vous allez jouer le 4 mai à la CAFPO. Comment vous l'avez choisi ce répertoire? D'abord, il y en a pas mal qui sont choisis par goût, parce que de toute façon, il n'est pas question que celle-là, je ne la chante pas, et d'une. Donc voilà, et de la part de Nicolas, Jules, comme de celle de Pascal, ou comme de la mienne, quoi. Tous les trois, il y a des choses sur lesquelles on ne cédera pas, quoi. C'est clair. Quoi. Et puis surtout, on a aussi lu beaucoup de poésie. Ce recueil magnifique que je vous conseille, qui s'appelle Flame, qui regroupe à peu près les 4 derniers albums et les derniers écrits de Leonard Cohen, c'est à tomber par terre. Et toute la poésie de Leonard Cohen, bon, bah, il suffit de la dire tranquillement, en sachant ce qu'il dit et en sachant ce qu'on dit. Et là, ça devient du Leonard Cohen, quoi, et c'est pas compliqué. Et ça amène. Enfin, moi, on parle de sécurité sociale, on parle d'être remboursé, que ça soigne. En fait, je pense que ce que nous y cherchons tous les trois et qu'on aimerait transmettre, c'est une consolation. Voilà. Je crois que Leonard Cohen, c'est la consolation. Et il me semble que ces temps-ci, on peut avoir besoin de tricostérile. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas dire, quoi. On l'a facile, quoi. On ne peut pas dire qu'on l'a facile, quoi. Ouais, et ce qui est magnifique, c'est que en pensant consolation, on arrive à l'humour très vite. Essaye de consoler un gosse en lui disant « t'as eu mal », ça ne va jamais marcher. Si jamais tu lui racontes une toute petite blague, déjà, il aura moins mal, il l'aura oublié. Ben, c'est ça, la consolation, il y a de l'humour. Et donc, le choix des morceaux dans cette œuvre immense, il a été aussi axé vers l'humour. Parce qu'il y en a assez d'entendre dire que Leonard Cohen est lugubre. Mais franchement, il y a de quoi se taper le cul par terre, quoi. C'est tellement rigolo. Il a... Bon, c'est fin, hein, mais c'est tellement bon et ça fait tellement de bien, quoi. Voilà. Et c'est vrai que peut-être le côté prétendument sombre de Leonard Cohen vient aussi de cette façon qu'il a eu de s'attaquer à des grands pendants de nos sociétés occidentales, la religion, la consommation, le capitalisme. Et c'est vrai que il y a ça aussi qui traverse son œuvre. C'est fou, c'est un homme extrêmement présent. C'est un homme extrêmement présent comme sont présents les ermites. Et on sait très bien que les ermites sont les personnes au monde qui sont le plus visitées. Et c'est vrai qu'on parle d'ermite, faut pas oublier que Cohen a eu sa période d'ermitage, un ermitage plutôt bouddhiste. Zen, voilà. Dans une petite communauté au-dessus de Los Angeles où il est resté quelques mois ou quelques années. Oh, bien, au minimum 10 ans pour soigner sa dépression nerveuse. Voilà. Et dans une époque où il avait été complètement ruiné par son agent qui était parti avec C'est après. Il était ruiné. Non, parce que sinon, il fallait le payer quand même l'enseignement, là. Ah ben ouais, t'es. Mais ça donne lieu à presque des sketchs, quoi. Ouais. Les écrits, tout ce qu'il a écrit en dialogue avec Roshi, son maître zen. Oh non, mais là, on est bien, quoi. C'est comme si il faudrait en faire des petites bandes dessinées, une par jour dans le journal, quoi. Un dialogue Cohen-Roshi, un par jour, ça suffit. À la place de Ferdinand, dans la dépêche, ça aurait Ça pourrait avoir de la gueule. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on cherche là, vraiment, on n'est pas là pour... on ne va pas empêcher les gens de penser qu'il est sinistre. Mais il faut bien l'écouter. Et comme on l'a bien écouté, là, c'est là que ça devient très, très bon, quoi. Voilà. Alors, évidemment... Les derniers albums, ils sont extrêmement graves, mais à tous les sens du terme, quoi. Mais c'est normal, il est en train de mourir, il a 90 ans. Et tout ce qu'il dit, c'est doux. Il a arrêté de prédire le futur et de dire que c'est le meurtre, quoi. Là, il arrive à la fin. Et oui, et il y a comme une réconciliation. Je crois que c'est plus qu'une conciliation, c'est qu'au fur et à mesure, il s'est débarrassé de ses oripeaux. Et c'est le chemin qu'on doit tous faire. Et donc, c'est très, très inspirant pour un gars qui a l'âge du rôle. Donc, c'est Éric Larenne qui a l'âge du rôle. Et puis, on va quand même parler de vos deux compagnons. Ah ben, il faut absolument, c'est un trio. Parce que c'est quand même un trio qui est sur scène. Et les uns les autres, étant intervenus sur la constitution de répertoire et intervenant pendant tout le concert, chantant avec vous, chantant même seul. Bien sûr, voilà. Nicolas Jules, donc qu'on connaît comme chanteur. Là, on a un chanteur et guitariste. Et qu'on découvre avec ce spectacle, puisque vous nous avez amené quelques bandes et il y a des petits extraits qui se trimballent sur le net. Donc, on a pu découvrir Nicolas Jules, guitariste époustouflant. Ouais. Et puis, un compagnon de jeu depuis nettement plus de temps, Pascal Maupeu, guitariste flamboyant. Absolument. L'intérêt, évidemment. Alors, déjà, c'est Pascal qui a eu cette idée-là, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ses parents écoutaient Cohen en permanence. Mais c'est vrai que... Il a dû avoir une enfance très heureuse. Très heureuse, parce que de la même façon, il s'est attaqué au répertoire d'Alex Chilton quelques années. Et il a démonté les Beatles, ça fait un moment déjà. Et morceaux qu'il écoutait quand il était jeune. Une enfance de rêve. Absolument, oui. Voilà, C'est donc un exégète aussi dans ce domaine-là. Il connaît tout, il les chante à la guitare, lui. Et puis il m'a dit « Oh, tu voudrais pas chanter du Leonard Cohen ?» Bon, c'est vraiment facile de... C'est limite honnête de me faire des propositions comme ça. Et à ce moment-là, il m'a dit « Et tu voudrais pas le faire avec Nicolas Jules ?» Et Nicolas Jules, ça fait quelques années déjà que je le croise, en particulier chez Thénardier, là, chez Sarclos à Montreuil. Enfin, on a eu quelques aventures déjà ensemble, des conversations passionnantes. Et j'ai dit « Mais bien sûr, quoi !» Et en me disant... En me doutant bien que c'était l'aspect guitaristique qui branchait Pascal. Et là il y a un dialogue guitaristique au niveau, quoi. C'est très beau. Et du son, quoi. Vraiment du son. Comment il le connaissait, Pascal Maupeu, Orléans, Nicolas Jules? Orléans, Tours, c'est pas bien loin. Il y a une ligne de chemin de fer. Ouais. Mais il s'était déjà rencontré musicalement avant ou pas du tout? Il se croisait, paraît-il, dans un bistrot et ne s'était jamais adressé la parole. D'accord. Des grands timides, ouais. tous les deux. Depuis, oubli, réparé. Voilà. Donc on va vous voir tous les trois, dans Nicolas Jules, chant guitare, Pascal Maupeu à la guitare et vous, chant harmonica, puisque vous jouez aussi de l'harmonica sur ce spectacle-là, ce petit instrument qui vous suit quand même depuis belle lurette. Oui. C'est le seul que je puisse trimballer dans le train. Ah ben oui. et dans une poche. Voilà. Ça je confirme. Avec ce spectacle qui aura des suites, c'est un one-shot comme vous pouvez nous en proposer de temps en temps à Toulouse. Celui-là, non, ça ne va pas être un one-shot. En fait, là, vous allez assister à une première étape de la création. On est en train de monter le répertoire, on va vous le montrer. Mmh. Et puis, après, on a une nouvelle période de travail à la rentrée prochaine. Mmh. Là, on va faire la mise en scène. Et puis, c'est tourné par Cyril Cholby et Klaxon. Mmh. Donc, ça ne va pas jouer qu'une fois. Ouais. Et c'est une forme petite, comme on sait les faire. C'est-à-dire, moi, j'ai compris comment il fallait faire. Si les jeunes gens voulaient m'écouter une fois pour toutes, quoi. J'allais dire, il était temps de vous en apercevoir, Éric Larenne. Il était temps, c'est ça. prendre un répertoire comme ça, sincèrement, d'un auteur extrêmement solide, et le faire ça une ou deux fois, pour après proposer un opéra, deux auteurs, un opéra, deux auteurs, c'est bon. Voilà, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Donc, le prochain opéra, vous êtes en train de l'écrire ? Ben, il est en train de se fabriquer, là. Ah ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Formidable. Donc, Éric Larenne avec Pascal Maupeu et Nicolas Jules, on le voit le 4 mai prochain à la CAF Poésie, donc dans un répertoire consacré à Léonard Cohen. J'étais quand même en train de me dire dans quelle disposition on est lorsqu'on se dit on va traduire Léonard Cohen. Il y a quand même un peu de trouille ou c'est très facile. Ouais. Si ça avait été qu'une question de trouille, je crois que j'aurais jamais rien fait. Hein. Parce que la trouille, bon, ça va, je connais par cœur. Donc je fais avec. Je me la mets sous le bras, la trouille, et puis je m'y mets. Non, la peur m'arrête plus tellement. C'est pas tellement que je suis une forte tête. C'est que j'en ai pris tellement l'habitude, là, maintenant. Et puis, s'il dit très, très bien les choses que je voudrais dire, je vois vraiment pourquoi je me casserai le cul, si je peux me permettre. Permettez-vous. Non, non seulement il dit ces choses très, très bien. C'est comme quand on a fabriqué ce spectacle sur Brassens, qui continue à tourner là, depuis plus de 15 ans. Donc ça, c'était avec les musiques à Ouïr. Voilà, et c'est des auteurs qui sont équivalents. Mmh. C'est-à-dire, musicalement, c'est beaucoup plus pointu que ce qu'on croit. Et pour ce qui est des paroles, c'est imbattable. Mmh. Donc c'est le même genre de gars, quoi. Mmh. Et donc, ça a le même effet. C'est-à-dire, t'écris mieux après. Mmh. Voilà. Parce qu'il est encore temps de faire des progrès. Quoi. Vous avez raison. Je parlais de Chamonix que vous avez joué en janvier dernier à Cahors dans le cadre du Chénon Manquant. Un concert que là aussi on pourrait revoir ou... Oui, c'est programmé la saison prochaine. En banlieue toulousaine, je ne sais plus, je ne veux pas dire, je ne veux pas me tromper parce que je confonds. Mais il va se jouer. Oui, ça va se jouer. Franchement, on préviendra tout le monde parce que je ne sais pas si on va le jouer beaucoup maintenant, mais ça vaut le coup d'œil, quoi. On y tient tellement à ce spectacle. Il y avait quand même que Éric Larenne capable de nous monter un opéra rock autour de la figure d'un ingénieur ariégeois parti à Chamonix pour reconstruire des conduites forcées et faire de l'électricité. Oui, mais enfin, et par ailleurs, poser le problème de l'eau. C'est pas de l'avant-garde, ça. On n'y est pas le nez dedans, quoi. C'est de l'avant-garde, Éric Larenne. Voilà, donc Éric Larenne à la CAF Poésie avec ses amis, donc Pascal Maupeu à la guitare et Nicolas Jules au chant et à la guitare, le 4 mai à la CAF Po, présentation de ce nouveau répertoire construit autour de morceaux de Léonard Cohen, traduits par ses soins ou traduits par d'autres chanteurs hexagonaux dans les années 60 et 70. Merci d'être venu nous en dire deux mots. C'est un plaisir. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, Éric Larenne, même si c'est peut-être la dernière dans cette émission. Mais Oui, mais enfin, on donnera l'adresse des bistrots qu'on fréquente et puis c'est tout. Exactement. On aura un auditoire. Voilà, à Eric Larenne, vous avez eu la gentillesse de nous amener ce qui sera le résultat d'un enregistrement de travail. Oui, c'est ça. Deux mots sur le morceau qu'on écoute, Nevermind. Voilà, Nevermind. Alors, évidemment, là, le problème de la traduction se pose de manière assez... aigu, parce qu'en France, pour tailleur ça, il faut dire rien à truff. Eh bien voilà, voilà, exactement. Mais c'est très difficile d'être trivial quand on veut traduire Leonard Cohen. Il est tellement élégant, il faut faire des efforts. Donc le refrain, on l'a gardé en anglais. Parfait. Nevermind, morceau de Leonard Cohen, revu par Eric Larenne, Pascal Montpeu et Nicolas Jules. Merci Eric d'être passé dans cette émission. La guerre est perdue, le traité est signé, mon pas attrapé, j'ai franchi la ligne, mon pas attrapé, ils ont tout essayé, mais je vis parmi vous, je suis bien déguisé, j'ai laissé j'avais un nom, mais never mind. Never mind, never mind. La guerre est perdue, le traité est signé. La vérité vit, la vérité meurt. Mais laquelle est gratuite? Never mind. Votre triomphe est inachevé. Certains parmi vous ont eu cette idée. Ne nous inventeriez nos petites vies et même nos vêtements, nos cuillères, nos habits. Les jeux de hasard que jouaient nos soldats, nos pierres fracassées, nos lois de temps de paix, nous réprimanderons le mari, la culotte et la femme aux commandes. Gesticulation douce, indifférence, que d'aucun homme l'amour, grande indifférence qu'on nomme un destin, nous avions d'urgence, il n'y a pas de survie, la vérité qui meurt, la vérité qui vit. Never mind. Never mind. Je peux pas tuer aussi bien que toi. Je ne peux haïr et j'ai essayé. Tu m'as dénoncé. Ça oui, tu l'as fait. Vous vous êtes ralliés, vous vous méprisez. Ça c'était ton cœur, ce nuage de mouche, un bol de mensonge. Ça c'était ta bouche. A servi, je ne suis pas surpris, tu es leur clan, tu es de leur avis. Never mind. Never mind, never mind. J'ai laissé ma vie loin derrière moi, l'histoire est comptée, mensonge et vérité, le monde appartient. Le monde est à votre main. Alors, never mind, never mind, never mind. Je vis pas cette vie, je l'ai laissée là-bas. Je vivrai celle-ci profondément au travers. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Oui. Daphné, I love you. Bonsoir, petit professeur Thibault. Petit. Oui, c'est vrai. Pourquoi petit Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Vous avez complètement raison. Pourquoi mais petit mais c'est la première fois. Voilà. Par contre, que vous me dites petit. Mais c'est vrai. Je ne suis pas petit. Non, non, mais vous êtes mon petit professeur Thibault. Je ne suis pas très grand non plus. Je ne suis pas petit. Vous êtes mon petit professeur Thibault. Je suis fasciné par les films de nains. Eh ben enfin, oui, vous le savez. Bah, voilà des gens petits. Ouais, ouais. Les nains, ils sont petits. Et régulièrement, voilà. Vous nous en avez fait des chroniques. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il doit pleuvoir en ce moment dehors. Oui. Je vois que le carreau de vos lunettes sont, oui. Sont complètement obstrués, ouais. Par des gouttelettes. C'est tout à fait ça. Bon, j'y vois un peu flou. Voilà. Mais je n'ai pas prononcé ma phrase de guerre. Et c'est vrai, allez-y. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur Thibault, comment allez-vous? Bien, bien, formidable. Le petit va bien. Ben, très formidable. semaine agitée, vous étiez très agité. Dans les rues toulousaines Alors, malheureusement, non. Hier matin Non, malheureusement, non. Voilà, j'en ai honte. Non, mais c'est vrai, j'en ai vraiment honte. C'est pas grave. Mais écoutez, des fois, voilà. Avec ce qu'on vient d'apprendre, donc, que le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré le projet de réforme, on risque de se retrouver encore nombreux dans les rues Alors ça, c'est tout pourri, c'est comme un film sans suspense. Exactement. Il y a des films, on essaye de faire du suspense, tout le monde essaye de faire du suspense, là, tout le monde a essayé d'en faire. Ouais. Et vas-y, que chacun y est allé de son petit truc, mais vous allez peut-être, voir, tout va s'arranger et tout. Ben non. Bon, à la fois, quand on sait ce qu'est un conseil constitutionnel, moi j'étais sur mon canapé, bon, je me dis, en fait, le film il est pourri, il n'y a aucun suspense. En fait, c'est un peu, vous savez, c'est quand vous rentrez dans une salle de cinéma, vous regardez un thriller par exemple, et vous dites, ah tiens, coupable, ça doit être lui. Et effectivement, c'est lui. Donc vous voyez, c'est voilà, un peu, aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt. C'est pour ça que vous venez faire des chroniques ici régulièrement, parce que vos films, eux, ont du suspense. Alors, pas ce soir. C'est un peu spécial ce soir, on va parler cinéma africain. Voilà. On arrête de rire. Alors, oui, enfin, je sais pas, enfin, j'espère pas. Alors, vous savez que d'habitude, le cinéma africain, c'est du cinéma militant, comme ça, les gens aiment bien ça et tout. Alors, il faut savoir qu'il y a autre chose aussi. Et oui, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des grands studios du côté du Nigeria. Alors, grand, je dirais pas ça. Mais en tout cas, il y a énormément de production. Ouais. Voilà. Et là, on va parler d'un film camerounais. Ah. Des années 80 en plus. Attention, il n'est pas très très voilà, pas très récent. Et alors le titre est génial, ça s'appelle Cameroun Connection. Oh, oh, oh. Alors voilà. Après alors, French Connection. Voilà. Alors c'est un film d'Alphonse Béni qui date de 1985. Je vais revenir sur le casting plus tard, mais il faut quand même se pencher qui est Alphonse Béni, vous allez me demander. Oui, mais bien sûr, voilà. Alors Alphonse Béni, c'est un acteur réalisateur, alors qui a fait beaucoup de choses, qui a fait pas mal de films en France, qui était un acteur qui pensait savoir bien faire du kung-fu, et c'était aussi un réalisateur qui pensait savoir faire des films. Il ne sait faire ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, il en est convaincu, et c'est ça l'intérêt. Donc, qu'est-ce que Alphonse Béni a fait? Ben, il a œuvré aussi dans les érotisme. Voilà. Ah. Alors, il a réalisé quand même des choses absolument formidables en 76. Alors, il a fait un film. Alors là, je ne les ai pas vus, ceux-là. Je suis désolé, hein, on ne peut pas tout voir. Mais il a fait un film qui s'appelle Les 69 positions. Je ne savais pas que c'était limité à 69. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Ah ouais. Mais voilà, donc avec Alphonse Béni, c'est limité à 69. Mais vous êtes un éternel optimiste. Voilà, professeur alors, en 85, il y a un fameux aussi African Fever. Alors ça fait rêver. Ah ouais, ouais. Ça, moi, ça me fait rêver. African Fever, moi, j'ai envie de voir. Ouais, ouais. Voyez, vous voulez dire que cette fois, on ne parle pas de la fièvre Ebola. Non, tout à fait. Et alors, il y a un truc complètement incroyable. Alors, ça, je l'ai vu. Il a fait un film en 74 qui s'appelle Les mecs, les flics et les putains. Alors, qui est beaucoup plus connu sous son titre donc, d'exploitation française, qui est L'étrangleuse. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, là, il joue dans Les Tringleuses, et c'est formidable. Il joue un inspecteur de police. C'est l'inspecteur Dubois, voilà, qui est à Paris. Et le twist du film, je peux le révéler là à l'antenne, en fait, c'est que ses parents sont blancs. Alors qu'Alphonse Béni est noir. Ouais. Pourquoi ? Il n'y a aucune explication. Ah oui, on n'en parle jamais d'un. C'est comme ça. Si vous voulez, Béni, c'est une sorte de poésie du minable. Moi, j'adore ça parce que les films sont tout fauchés, bien sûr, vous vous en doutez. Et il y a ce fameux Cameroun Connection. Alors, Cameroun Connection, alors, je ne vais pas expliquer l'histoire parce que, très honnêtement, on n'y comprend rien. Ça part de l'assassinat, en fait, d'une jeune fille. Et donc, c'est une histoire, somme toute, assez opaque, donc, qui se passe entre Paris à Yaoundé, voilà, où on a les allers-retours de ce fameux Alphonse Béni qui se donne encore une fois le beau rôle. Là, il réalise le film et là, il joue l'inspecteur Baïko. Voilà, rôle qu'il va interpréter d'ailleurs plusieurs fois. Et alors, il va traquer un méchant. Alors, j'adore le méchant puisqu'il s'appelle le docteur Cui-Cui. C'est pas beau, ça ? Mais moi, ça me fait rêver, je suis désolé. Moi, j'échange n'importe quel blockbuster contre Cameroun Connection, donc, où Alphonse Béni, donc l'inspecteur Baïko, donc se bat contre le méchant docteur Cui-Cui. Alphonse Béni se donne le beau rôle, mais le cast du film est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on va y trouver Bruce Lee. Alors, qui est Bruce Lee ? Le cousin éloigné de Bruce Lee. Oui, c'est un sosie de Bruce Lee. Mais il s'appelle Bruce Lee, vous voyez ? Pour éviter la contrefaçon, on a enlevé le E. Voilà, il ne reste que le L-E. Voilà, Bruce Lee, qui avait fait un super film quelques années avant qui s'appelait Bruce Contre-Attaque. Ah oui. Voilà. Donc Bruce Lee est là. Bruce Lee fait du kung-fu, moins bien que Bruce Lee. Parce qu'il y a un E à moins, donc forcément c'est moins bien. Il fait du voilà. Et surtout, il y a une apparition. Alors j'aurais dû minuter, mais il y a une apparition dans le film qui est totalement surréaliste. C'est Paco Rabanne. Oui, il n'y a Paco Rabanne dans Cameroun Connection. Que fout Paco Rabanne là ? Je ne sais foutrement rien. Je n'en sais foutrement rien. Je vous rappelle que quand même Paco Rabanne, même à l'époque, était quand même quelqu'un de très très important. Oui, il n'avait pas encore programmé la fin du monde un 15 août sur le festival jazz de Marciac. Non, il était encore pris au sérieux. Tout à fait. Alors il est là avec sa belle moustache et tout. Alors, il est dans le rôle d'un couturier. C'est une chose étonnante. Ouais, il joue son propre rôle. Voilà. Et alors il a une scène avec Bruce Lee et Alphonse Béni. Je crois que c'est le seul rôle de Paco Rabanne au cinéma. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'en souvenir. Voilà. Donc c'est absolument extraordinaire. Il faut voir. Alors les bagarres sont quelquefois un peu molles et tout, mais on s'en fout. C'est l'aspect bricolo qui est vachement bien. Donc moi je suis client de ça. Alors ça, bien sûr, c'est sorti qu'en VHS, ouais. Mais je pense que vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ça doit pouvoir se trouver très très très très très facilement. Ouais, parce que sur VHS, faudrait-il encore avoir un magnétoscope ? Et j'en ai encore un. On peut venir le voir chez vous. Oui. Tout à fait. Je vous rappelle. Je vais laisser mon numéro à l'antenne. Voilà, alors si vous voulez voir donc Cameroun Connection, alors vous pouvez donc. Alors vous me laissez un message, hein, vous ne m'appelez pas. Voilà. C'est au 06 15 29 51 79. Voilà. Et le pire, c'est que c'est vrai. Hashtag, mais oui, c'est vrai. Hashtag, je veux voir Cameroun Connection. Je prends contact avec vous et je me débrouillerai pour être là avec vous pour voir Cameroun Connection. Ça ne me dérange pas de le revoir. Voilà. Il n'y a absolument aucun souci. Et vous ferez les commentaires au fur et à mesure de la vision. Voilà, tout à fait. Et alors, je vais terminer. Parce qu'Alphonse Béni a quand même joué dans un très très grand film. Vous savez que j'adore la vulgarité. J'aime bien citer les titres de films vulgaires et quelquefois les sous-titres qu'il y avait à l'époque. Alphonse Béni a quand même joué dans l'étonnant Godfinger. Je suis désolé. Une version hard de James Bond, évidemment. Oui, on peut voir ça comme ça, mais vous avez tout à fait raison. Voilà, qui était alors sous-titré. Alors, écoutez, je suis désolé. C'était sous-titré. Certaines chattes n'aime pas le mou. Et je vous dis à la semaine prochaine sur cette note de bon goût. Voilà, amis de la poésie, bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine, professeur Thibault. Spiral spinning, oh my gosh, you know the truth. All of my own bad advice. Voilà, on vient d'écouter Island of Love, un morceau gros qui sera sans doute joué ce soir au Ravelin, puisque ces jeunes gens qui viennent directement de Londres seront donc place du Ravelin ce soir dans le bar Le Ravelin pour un concert de rock'n'roll qui s'annonce assez chaud. Et le morceau qu'on vient d'écouter est un morceau extrait d'un album éponyme qui devrait sortir mi-mai. Donc voilà, Island of Love ce soir au Ravelin. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul ? Ça m'intéresse pas du tout de t'enfler avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors ? Caramel ! Bouh ! Laurent Rochelle, bonsoir. Bonsoir. Deuxième invité de ce soir, avec, j'allais dire, une double actualité, une triple, quadruple. Enfin, c'est vrai que vous faites feu de tout bois, vous aussi. Donc, une des premières actualités, c'est celle pour laquelle on vous a invité ce soir, c'est la sortie de ce nouvel album Doki Doki Quartet, Au-delà des brumes. Oui. Donc, nous avons écouté un premier extrait la semaine dernière, et puis il y en avait même eu il y a un mois et demi lorsque vous aviez commencé à envoyer des singles sur le net. Mm-hmm. Donc Okidoki, on en parlera dans deux secondes, mais je voudrais d'abord commencer avec les 20 ans du label Linoleum. Oui. Donc on va rappeler peut-être qu'est-ce que c'est Linoleum. C'est le label que vous avez monté, donc il y a une vingtaine d'années, vous étiez en train d'achever l'aventure Monco-Maroc. Et donc, ce label a été un moyen d'expérimenter un certain nombre de formules de musique, j'allais dire de jazz, mais ça va au-delà du jazz. On a pu d'abord vous entendre avec le Lilliput Orchestra, si je me souviens bien. C'est, mm-hmm. c'est les premières références de ce label, les album du Lilliput, il y a eu vos albums solo, il y a eu des albums de gens qui enregistraient ailleurs et qui vous les envoyaient pour être signés sur le label. Je pense notamment à ce musicien allemand Dieter Arnold. Voilà, qui a signé un album chez vous au milieu des années 2000. Il y a eu plein d'autres expériences avec Fragerman en particulier, un musicien qui vient plutôt de la musique classique, de la musique contemporaine, et avec des expériences que vous avez pu monter avec lui. Enfin, un label qui a cherché beaucoup de choses, surtout sur le son. Et on a l'impression que Linoleum est né sur cette idée de « on va essayer d'explorer ce que peut donner le son dans un studio d'enregistrement ». Oui, mais oui, c'est sûr, mais pas que non plus. Disons, c'était aussi pour donner la parole à des musiques... je dirais pas orpheline, mais disons pas toujours bien représentées, et qui sont souvent d'ailleurs les musiques que je pratique. Mmh. Donc des musiques que j'ai un peu de mal à définir, que je peux appeler parfois musique nouvelle, voilà, parce qu'elles sont souvent à la croisée de plein d'influences, influences musicales et parfois influences aussi poétiques, on va dire, avec les textes. Donc voilà, c'était surtout une nécessité personnelle, de produire ces musiques, le premier album étant en fait un album solo que j'ai produit en 2003, À l'époque, d'ailleurs, Mon Camarogue n'était pas fini encore, hein, puisqu'on venait de sortir de 2002, donc le deuxième album. Donc c'était en cours, en fait, c'était déjà une préparation. À la déjà, suite. Voilà, une préparation de la suite. Donc Linoléum suit son petit bonhomme de chemin depuis une vingtaine d'années. Vous nous disiez hors micro tout à l'heure qu'il y avait une compilation qui se préparait pour fêter un peu ses 20 ans, avec une orientation pour ce label qui va vers quoi ? Toujours cette ligne entre musique bruitiste, musique contemporaine, jazz, improvisation ? Oui, voilà. Ouais, c'est... Il n'y a pas vraiment de ligne extrêmement claire, je dirais, mais c'est toujours des musiques un peu hors champ, on va dire. Musique qu'on ne peut pas trop classer dans d'autres choses. Quoi, voilà, donc, Nous, on disait musique hors sentier battu et musique aventureuse dans cette émission. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais, moi, à un moment donné, j'appelais ça musique nouvelle et improbable. et avec toujours une esthétique de pochette assez travaillée. Ça, c'est quelque chose qui marque aussi les divers albums que vous avez pu sortir sur ce label. Oui, c'est vrai que souvent, j'ai confié... confier les visuels des pochettes à des graphistes particuliers ou des gens que je croisais avec qui j'avais envie de travailler. J'étais souvent très attaché à l'aspect visuel, l'aspect graphique en fait des pochettes. Ouais. Linoléum, c'est combien d'albums sortis sur ces 20 ans ? Là, donc le tout nouveau qui est sur la table, là, c'est numéro 25. Voilà, donc le tout nouveau qui est sur la table, c'est Okidoki Quartet, au-delà des brumes. J'allais dire Okidoki, une formation qui, depuis qu'elle existe, donc ça doit faire une petite dizaine d'années, a changé, changé assez souvent de personnel. Les deux qui restent de la formation originelle, c'est vous-même et Frédéric Chadorov. Oui, c'est ça. Depuis, Eric Bocchilini, le premier batteur, est parti. Olivier Brousse, le contrebassiste du départ, est mort peu de temps après la création de ce quartet. Et est arrivée une chanteuse dans la formation, Ania Kowalski. Et puis, dernièrement, Jean-Denis Rivallo a pris la suite d'Eric Boccolini à la batterie. Difficile d'intégrer comme ça des nouveaux musiciens après une histoire un peu longue, parce que quand même Eric Boccolini est resté longtemps dans Okidoki. Oui. Difficile d'intégrer des nouveaux musiciens. Ania Kowalski, c'est peut-être un peu différent. Oui, c'est différent pour Mais difficile comme ça d'intégrer un musicien. Non, c'est pas difficile, ça demande juste un peu de temps. Voilà, ça demande un peu de réglage. Des mois, voire une année, disons. Même si, voilà, Jean-Denis... C'est pas n'importe qui à la batterie, on est d'accord. On fait 3-4 et ça tourne, et ça tourne et ça joue, et il n'y a aucun problème. Voilà. Mais ça demande du temps pour que se connaître aussi, et puis pour que la musique, elle aille ailleurs aussi, en fait. Voilà. Avec, je le disais, l'arrivée en cours de route, c'était il y a 4-5 ans, à peu près à la moitié de l'existence d'Okidoki, de la chanteuse Ania Kowalski, une chanteuse belge qui chante beaucoup en flamand ou en allemand. En allemand, ouais. C'était quoi l'intérêt pour vous d'intégrer cette voix-là ? C'était quelque chose de voulu ou ça a été le fruit du hasard ? Ah non, ça a été voulu en fait. Ça a été voulu dès le premier album, donc en 2016, qui est sorti en 2016, sur lequel il y avait déjà Olivier Brousse, où là en fait je l'avais invitée sur 3 morceaux. Elle avait écrit des textes, dont un en allemand et d'autres en anglais. Et voilà, donc elle était présente sur ces 3 morceaux. Et puis en fait, comme Olivier, le contrebassiste, a disparu, on ne l'a pas remplacé, mais on a gardé la chanteuse. Voilà, donc on est resté à 4 en quartet, mais sans contrebasse, mais en gardant Ania à la voix. Voilà, donc l'intégration, du coup, après l'intégration de la voix, s'est fait petit à petit sur les morceaux où elle n'était pas. Et puis au fur et à mesure que des nouveaux morceaux arrivaient, la voix était intégrée automatiquement. Et c'est vrai que maintenant, c'est le quatrième instrument. Oui, en tout cas, c'est la quatrième personne. Ouais, enfin, Puisqu'elle ne fait pas que chanter, il y a aussi des morceaux où elle vocalise surtout, sans qu'il y ait de chants et de paroles qui tiennent son intervention vocale. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une chanteuse qui est capable de chanter, on peut dire, de façon pop, on va dire, mais qui aussi vient du jazz, donc elle improvise beaucoup, elle peut partir aussi dans des voix très lyriques, des voix très... faire travailler plus sur le son, sur des choses beaucoup plus bizarres en fait, qui relèvent un plus de l'improvisation ou de ce qu'on peut entendre en musique contemporaine. Donc elle a une palette vraiment large, donc c'est ça aussi qui fait que et en plus elle écrit, donc et elle compose. Alors ce qui est pas le cas pour le disque, pour le groupe, mais elle écrit la plupart de tous les textes, donc en fait c'est aussi un super avantage. Ce qui a un peu changé aussi l'orientation et la tonalité de la musique d'Oki Doki, l'arrivée de Anya. Il y a eu un côté moins sombre dans la musique que vous pouviez proposer jusque-là. C'est possible, oui. Et avec un éclairage, avec un peu plus d'éclairage sur votre musique. C'est possible, oui. C'est vrai qu'à l'origine, c'était plus instrumental, et donc oui, c'est différent. Et puis aussi, au fur et à mesure, on lui a laissé la place. Voilà, donc même au fur et à mesure des nouvelles compositions, on a fait tout un travail à quatre pour intégrer la voix. Que ça soit complètement naturel en fait. C'est difficile d'écrire dans un quartet sans contrebasse ? Non, pas du tout. Parce que là, pour le coup, la batterie sert de colonne vertébrale à la musique. Mais c'est vrai que autant la partie souffle, dont vous qui jouez du sax soprano ou de la clarinette basse, ou la partie clavier de Frédéric Chadorov au piano, c'est vrai que elles ne sont pas là pour jouer les parties basses, comme ça peut se jouer dans d'autres quartets sans contrebasse, où les claviers s'occupent de jouer la partie basse. Là, il n'y a vraiment pas de partie basse. Simplement la batterie qui sert de colonne vertébrale à la musique. Certainement, Frédéric, au piano, en fait, compense un petit peu par un jeu de main gauche plus... plus marqué. Plus marqué, en fait. Il est un peu moins... On va dire... Un peu moins dans les médiums s'il y avait une contrebasse. Il laisserait un peu plus de la place s'il y avait une contrebasse. Donc là, je pense qu'il compense un peu certainement. Et puis, il y a certains morceaux où c'est Anya qui joue des basses au clavier. Voilà. Avec, je le disais en début d'interview, une actualité plutôt foisonnante pour vous. Il y a Oki Doki, il y a votre label. Il y a aussi un autre groupe. Vous étiez hier à la pause musicale. La semaine dernière, à la pause musicale avec Prima Canta. Oui. C'est compliqué parce que c'est vous qui composez la plupart des musiques de ces groupes-là. Oui. C'est compliqué de passer de l'un à l'autre et de vous lancer dans l'écriture d'un nouveau répertoire alors que vous voulez de laisser celui de l'autre groupe juste à l'instant. Prima Canta a sorti son album, c'était en juin dernier. Un an plus tard sort le nouveau répertoire d'Oki Doki. Compliqué de jongler entre les deux et surtout de marquer une différence entre les deux pour qu'il y ait vraiment une justification à l'existence de deux groupes. Non, c'est pas compliqué en fait parce que je travaille pas comme ça en fait. C'est-à-dire que j'écris pas un répertoire pour un groupe et je travaille en fait. Pour moi, la musique, elle vient ou elle vient pas en fait. Il y a des moments où elle me vient. C'est-à-dire par exemple, un matin, je vais me mettre au piano et puis il y a une idée qui va me venir. Voilà, je vais la travailler, je vais la mettre de côté, je vais l'enregistrer et puis je vais me dire ah ce morceau il est sympa, tiens il irait bien pour tel groupe. Ou alors je verrai bien de la voix par-dessus, donc ce sera plutôt Oki Doki. Et un autre morceau, ça sera plus intéressant à développer pour Prima Canta avec l'instrumentation de Prima Canta. Et donc en fait, je me dis pas, tiens, pendant les trois prochains mois, je vais écrire un répertoire. Je fonctionne pas du tout comme ça. Je suis très instinctif, en fait. Vous écrivez et après, au fur et à mesure, vous dispatchez pour quel groupe. Je dispatche. Voilà, c'est ça. C'est vrai que... Et parfois, ça m'arrive d'essayer un morceau avec... L'homme. Et en fait, ça marche pas bien et donc je laisse ça avec l'autre. Voilà. Et parfois ça marche ni l'un avec l'autre, mais donc parfois j'essaie avec les deux, donc c'est drôle en fait. Et dans ce moment-là, donc vous le proposez à votre troisième groupe, qui est un duo de clarinette basse et de saxophone soprano, qui en est où celui-là? Et bien là, donc en fait, on pourrait presque enregistrer un nouveau disque, parce qu'on a déjà une dizaine de nouveaux morceaux. On attend en fait, c'est plutôt des morceaux qu'on rôde en concert. Ben d'ailleurs, on joue après-demain, sur une balade, une randonnée. Donc on a déjà une dizaine de nouveaux morceaux là qu'on pratique en live et quand on se sentira prêt de les enregistrer, on le fera. Voilà. Et le quatrième gros morceau pour Laurent Rochelle, c'est la réunion de ce duo-là avec le duo composé d'Isabelle Cirla et de Joël Trolonge. celui-là, il fonctionne encore hein? Il fonctionne encore un petit peu, puisque beaucoup moins, c'est vraiment. Mais on a quelques concerts début juillet. Mmh. Voilà, donc on va devoir se remettre un peu à répéter. Voilà, c'est beaucoup plus tranquille en fait. Pour revenir à Okidoki, quand vous avez écrit ce répertoire, il y avait des intentions d'aller un peu plus loin que celui qui était sorti il y a 2 ans et demi, notamment dans la place laissée aux divers instruments. Bah, la nouveauté, c'était surtout qu'on n'avait pas encore enregistré avec Jean-Denis Ribalo. Mmh. Voilà, donc les 3 premiers disques étaient enregistrés avec Eric Boccalini. Et donc là, en fait, Jean-Denis est là depuis 3 ans. Mmh. Et donc il y avait des morceaux qu'on jouait anciennement avec Eric et que voilà, Jean-Denis s'était approprié et qui sonnaient différemment d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, j'ai eu envie que ce répertoire soit enregistré, voilà, pour qu'on puisse le faire entendre. Voilà. Donc je ne sais plus quoi était la question. Eh ben, si effectivement, au-delà de ça, il y avait une intention de laisser un peu plus de place aux divers instruments. Oui, mais comme je fais très souvent en fait, je pense que je laisse toujours beaucoup de place en fait. Moi, j'aime bien composer en fait, mais pas spécialement jouer ma musique en fait. Donc j'aime bien que les autres jouent ma musique. Ce qui vous empêche quand même pas d'aligner les albums solo, où là, pour le coup, vous jouez la plupart du temps de tout. Ouais, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait quand même. Sauf j'en fais un peu pour l'audiovisuel, mais ça c'est un autre travail. Mais j'aime bien écrire la musique et ne pas jouer ma musique. Okidoki, toujours la même question. Et vous allez sans doute me faire toujours la même réponse. Okidoki à Toulouse, on le voit peu. Et ça risque de continuer. Mais en fait, oui, c'est vrai que globalement, je joue peu à Toulouse, en fait, beaucoup moins. C'est vrai que j'y habite plus. Et puis, je trouve ça difficile de jouer à Toulouse, en fait. Il y a moins de. Il n'y a pas tant de lieux que ça, où le peu qu'il y a, c'est vite très encombré. Parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, finalement, bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, c'est pas que j'abandonne un peu, mais étant donné qu'il y a plein de possibilités aussi de jouer ailleurs et souvent en campagne, dans des endroits vraiment hyper sympas. Donc là, je reviens de Paris, par exemple, on a fait un concert à Paris. Oui, ça, c'est pas la campagne. Bon, c'est pas la campagne, c'est vraiment. C'est bien pire. Alors, c'était vraiment dans les faubourgs. C'est bien pire que Toulouse. C'est vraiment toute une aventure, c'est assez fatigant. Non, mais c'est vrai que, ben oui, pour Okidoki, il y a quoi? Il y a le taquin, quoi d'autre? Ça peut être l'impro. L'impro, oui, voilà. Ouais, voilà, ouais. La pause musicale. La pause musicale, ouais, voilà. Ouais, j'espère que ça se fera, ouais. Ouais, voilà. Voilà, et après déjà sur 131, le jour où ils vous laisseront un peu d'espace. Voilà, oui, ils vaudront bien, ouais. Effectivement, ça fait pas beaucoup d'endroits. Donc on viendra. Non, mais c'est pas grave, c'est pas. Oui, en fait, c'est pas grave. Il faut avoir une voiture ou être sacrément doué en vélo pour venir vous voir. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que bon pour le public toulousain, ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Bon, en tout cas, il y a cet album donc qui vient de sortir chez tous les bons droguistes. au-delà des brumes, on peut aussi se le procurer sur les diverses plateformes sur le net. Si vous tapez Linoleum sur un moteur de recherche, vous êtes directement dirigé sur le label qui distribue cet album. Vous êtes aussi sur les plateformes d'écoute en streaming, oui. Puisque c'est là que on a récupéré le morceau qu'on va écouter tout de suite. Ouais, c'est vachement plus simple pour le technicien. Il a tout sur l'ordinateur. Il a qu'à appuyer sur un bouton. C'est formidable. Les gens vont pouvoir chazamer. Allez-y, ah ben, voilà. Chazamer, faites chauffer votre téléphone. Préparez votre téléphone. Et ça va vous donner, ça va vous renvoyer directement sur ce nouvel album d'Okidoki, Okidoki Quartet, au-delà des brumes. Et le morceau qu'on a choisi pour ce soir, c'est Special Day. Ah, sans doute le morceau le plus pop de cet album. Je sais pas. Oui, c'est le oui. Ah oui. Ah, oui. Format chanson. Anya Kowalski chante en anglais dans un format très chanson pop. Et le reste. Oui, oui, c'est. Ouais, c'est peut-être. Ouais, je me rends vraiment pas compte parce que en plus, ouais, par contre, la mesure, elle est pas du tout pop. Hein. Ah ouais. C'est pas du 4/4. Hein. Ah ben, sans doute. Mais pas du tout. Hein. Mais on pourrait disserter longtemps là-dessus. Il y a plein de groupes pop qui ne sont pas sur du 4/4. Oui, c'est vrai. Voilà, donc. Les Beach Boys ne travaillaient pas que sur du 4/4. C'est vrai que le texte qu'elle a écrit est assez. Bon, c'est comme un petit court-métrage en fait. Enfin, c'est vraiment un petit film en fait quand on écoute le texte. Et donc c'est vraiment un petit film, et donc pourquoi pas, ouais, ça ressemble à une chanson pop. Ouais. Voilà, Special Day, extrait donc de ce nouvel album. Doki Doki Quartet, Laurent Rochelle, merci d'être passé dans cette émission pour nous en parler, et à très bientôt. À bientôt. When I woke up this morning, I heard the dog barking three times. One, two, three times. And I thought, that's a sign. Today is gonna be a special day. I ran down the stairs, three steps at once. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Then I put on my red pants and the green socks with the yellow butterflies that I prepared for exactly that day. At once the bell was ringing. Long, short, long. It was the postman. His eyes were twinkling when he gave me a package in the form of a triangle. I thought, this can't be a coincidence. That's a sign. Today is my lucky day. I ate 3/4 of an apple. Exactly the right breakfast for that kind of day. Then I went to the bathroom. I took all of my pills. The red, yellow, green, blue, purple ones. And they disappeared in the toilet in one flash. I opened the door and I ran out on the street, and people were smiling at me like they knew that something magic was going to happen. So I was running, running uphill. I was running and running and running because I knew for sure that there, behind the next corner, it would happen. Je suis vraiment sortie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Jouvet. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Ben, moi, je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel. Là, on en arrive à la dernière rubrique de ce soir, les concerts du soir. Et les concerts, mais ça commence ce soir à 21h à Rabastens, à la Halle Cinéma de Rabastens, avec un concert du RP3, le Rémi Panossian Trio. Début du concert à 21h, donc Rabastens ce soir à le cinéma Rémi Panossian Trio. Ça continue au Ravelin, on en parlait tout à l'heure, avec Island of Love, un groupe de punk londonien. Également ce soir, dans ce double programme, on pourra écouter Space Padlock au Ravelin, donc à partir de 20h, aux Ogresses, un bar de l'avenue de Muret. On pourrait écouter Des Senster God, de la musique traditionnelle tzigane et juive d'Europe de l'Est, à partir de 20h30. Archipel ce soir, place Arnaud Bernard, nouvelle soirée pluridisciplinaire sur le fil, organisée par Laurent Avizou. Avec ce soir, musique avec Elisa Trocmé, lecture avec Pascal Breckner, art plastique avec Amari Lamérès, et puis danse avec Laurent Avizou lui-même. Laurent Avizou qui continue à balancer sur Facebook ses petits délires de danseur urbain. On le voit dernièrement commencer à danser autour d'une poubelle qui avait eu du mal à se faire vider. Allez voir ces petits moments de poésie urbaine, c'est très bien fait, et ça peut être très très drôle. Donc Laurent Avizou ce soir avec ses trois autres camarades à Archipel, pour les soirées sur le fil. Archipel, c'est sur la place Arnaud Bernard. À l'impro ce soir, Aram, un quintet mené par le clarinettiste Simon Charrier, entre rock et musique impro, trance et musique de chambre. Début du concert, 20h30. Au Taquin ce soir à 21h, anniversaire des 5 ans du collectif collectif Troisième Face, collectif de musiciennes toulousaines qui accueille ce soir l'immense Frédérica Alesina que l'on écoute tout de suite. L'amour ça fait perdre du temps, l'amour ça fait perdre la face. L'amour et moi ça fait deux, sans trois, qui la tiennent, disent qu'ils s'enlacent. Quand vient mon démon de midi, à 14h un autre suit. De 5 à 7 encore un 4h, l'amour ça fait trop peur. Qui a l'amour ça fait perdre des fesses, au moins ça sert à quelque chose. Chaque désert où l'on me laisse, ma graisse fond à l'eau de rose. Je suis le dessert asservi, la cerise de leur chérie. Le bonbon qui monte à la tête quand l'amour part en sucette. L'amour se fait perdre le nord, moi les vents je les prends d'où qu'ils viennent. Y'a pas une âme en chaque port, moi y'a que les ports qui me détiennent. Oh mes amours sans interdit, qui tournent en rond-point c'est fini. Quand rêve caméléon, on met les voiles, l'amour c'est pas normal. Oh, l'amour ça fait perdre le nord, moi les vents je les prends d'où qu'ils viennent. Ma boussole a le mauvais sort, tout vole en bas qu'il advienne. Oh mon amour sans interdit, qui tourne en rond-point c'est fini. Quand rêve caméléon, on met les voiles, l'amour c'est pas normal. J'allais dire presque un inédit, il fera partie du prochain album de Frédérica qui sortira quand il pourra, mais on en a déjà quelques extraits. Donc ce soir, Frédérica Alesina avec des musiciens du collectif Troisième Face au Taquin à partir de 21h. Les concerts, ça continue ce soir avec à Maison Blanche, là aussi c'est à Renaud Bernard, un bal occitan avec le groupe Volem View. À la Candela, 20h30, Snapping Sisters du swing féminin a cappella. Je les ai vus la semaine dernière, faut aller les voir, c'est assez extraordinaire. Au Rex, ce soir, du rap avec Raoul G, un rappeur québécois pour la première fois à Toulouse. Du reggae à l'usine à musique. L'usine à musique, ça se trouve du côté des 7 deniers, là-bas, du côté du stade des 7 deniers. Et donc, à l'usine à musique, à partir de 20h, on fêtera la sortie du nouvel album des des Toulousains de Tough Lions, c'est du reggae. Nombreux invités pour ce concert dédié au reggae dancehall seront également présents. Ban Salut South, Mix Killaz, DJ Tierno, le groupe Peaceful Warriors et bien sûr en clou de ce concert, les Tough Lions qui fêteront donc la sortie de leur nouvel album. Au bijou ce soir à 20h30, Manon Gilbert alias Petite Gueule, seule au clavier, machine et voix, pour un répertoire 50% chanson, 50% rap, 50% slam. Et comment ça, il y aurait un problème? Eh bien, c'est pas compliqué, ça dépend de la grosseur des 50%. Voilà, donc ce soir au bijou, Petite Gueule. Enfin, ce soir à l'Escabelle, là aussi, ce bar se trouve à Arnaud Bernard. Ce soir, donc à l'Escabelle, à 20h, concert de pop avec Camille Bénâtre qui jouera ce soir les chansons de son prochain album. Et ce soir, il sera là simplement en guitare-voix. Camille Bénâtre, dont on écoute tout de suite un morceau extrait de son avant-dernier album, Après le soir. Donc, Camille Bénâtre, ce soir à l'Escabelle à partir de 20h. Laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et la nuit, laisse filer l'ennui, laisse filer le jour et la nuit. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. C'est terminé pour la rubrique concert de ce soir, rubrique de concert toujours élaborée avec la collaboration assidue du Distorama, le fanzine et le calendrier et le fanzine qui fait l'inventaire des concerts des bas-fonds toulousains. Distorama que vous pouvez retrouver dans pas mal de bars en version papier, mais également sur Facebook. Vous tapez dans le petit onglet Distorama et vous serez complètement directement dirigé sur la page de ce site assez indispensable. Allez voilà, car Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, John Little reprend le contrôle des platines pour un génial, nouveau et incredible Little by Little Wicked Show. Demain soir sur Campus, Marek Kastelnik, le pianiste de l'Oiseau Ravage, nous fera découvrir le contenu de sa liste à partir de 22h. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais changement d'adresse puisque nous serons en direct du Métronome pour le début du week-end du Disquaire D avec un invité de marque, un invité très exceptionnel puisque nous recevrons dans Caramel Mousse Jean-Daniel Beauvallet qui fut longtemps, pendant plus de 30 ans, le rédacteur en chef des Inrecuptibles et qui vient de sortir un livre sur la New Wave après avoir sorti un livre sur ses aventures musicales, mais pas que, qui s'appelait Passeur et qui était un livre assez épatant. Donc Jean-Daniel Beauvallet comme invité de Caramel Mousse la semaine prochaine. Hervé Bordier sera également de cette émission qui aura lieu en direct donc du Métronome, en direct et en public à partir de la music box du Métronome. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel.